Alors maintenant, je voudrais qu'on revoie rapidement une autre transformation qui va vous permettre, une fois de plus, d'enrichir votre English vocabulary de manière parfaitement naturelle et pour ainsi dire indolore. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans les méthodes de Michel Thomas, il y a en effet un certain nombre de mots français qui finissent en « al » pour lesquels on retrouve exactement la même terminaison en anglais, mais « once more », une fois de plus. Il faut juste être bien attentif à leur prononciation, puisqu'en anglais, la terminaison « al » se prononce « all ». Prenons un exemple. Comment direz-vous « c'est d'une importance capitale » Alors, je vous aide un peu. En anglais, on ne traduit pas « une » et on dit « c'est de capitale importance ». Alors, allez-y. It's of capital importance. It's of capital importance, oui. En insistant bien sur la première syllabe, ka, capital. C'est comme si vous frappiez sur cette première syllabe, capital. Quand vous hésitez sur un mot, n'ayez pas peur d'essayer de le deviner, et vous verrez que souvent, c'est un mot qui ressemble à son French equivalent. Alors, comment direz-vous central? Central. Central, comme le célèbre Central Park de New York. Et remarquez que là encore, on frappe la syllabe qui vient avant la terminaison en « all », donc « central ». Et ça va être le cas de tous les mots en « all ». Et si vous veillez bien à prononcer le « g » comme un « j », vous n'aurez donc aucun mal à traduire le mot « général » en anglais. General. General. Bien. Comme vous le voyez, voilà une nouvelle transformation bien utile. Profitons-en pour élaborer des phrases un peu plus complexes. Vous connaissez déjà l'expression « this way » qui veut dire « ainsi, de cette manière ». Et donc « way » est la traduction de « manière ». Alors, on a déjà vu que « apprendre » se dit « to learn ». Donc, comment direz-vous « c'est une manière très spéciale d'apprendre les langues ». Encore une fois, l'anglais est une langue économe, et donc ici, on dira simplement « d'apprendre langue » et non « les langues ». Alors, pour dire langue en anglais, on emploie le mot language. Il vous suffit de penser au mot français langage, donc language. L-A-N-G-U-A-G-E. Et donc au pluriel languages, avec le son final is. Alors, reprenons notre phrase par morceaux. C'est une manière très spéciale. It's a very special way. It's a very special way, c'est une manière très spéciale, d'apprendre les langues, avec le « de » qui se traduit toujours par « to » devant un verbe. Alors, d'apprendre les langues, littéralement d'apprendre langue. Je vous écoute. To learn languages. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la phrase en entier? C'est une manière très spéciale d'apprendre les langues. It's a very special way to learn languages. It's a very special way to learn languages. Alors, vous avez peut-être employé, vous aussi, a way to learn pour dire une manière d'apprendre. Mais sachez qu'on peut tout aussi bien dire a way of learning, donc en employant of, O-F, suivi de la forme en ing du verbe. Ce qui donnerait donc... It's a very special way of learning languages. It's a very special way of learning languages. Ou, it's a very special way to learn languages. Une fois n'est pas coutume, vous avez le choix entre les deux formes. Bien, alors nous venons de voir un certain nombre de mots qui finissent en « al » dans les deux langues, ce qui facilite grandement votre apprentissage. Bien sûr, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes mots, et je voudrais à ce propos voir avec vous quelques exemples de mots qui sont bien en « al » en anglais, mais finissent en « el » en français. Prenons par exemple le mot français « personnel ». Les anglophones nous ont emprunté ce mot, mais uniquement dans le sens de « personnel d'une entreprise », donc pour parler des employés. Pour ce qui est de l'adjectif « personnel » dans le sens de « privé », le mot français a subi une petite transformation, « a little transformation ». Puisqu'en anglais, ce sera un mot en « al » et non en « el ». Donc « c'est personnel » se dira It's personal. Tout à fait. It's personal. Il faut bien frapper la première syllabe, personal. Et notez qu'à la différence de l'adjectif français personnel, personal ne s'écrit pas avec deux N, mais un seul. Donc, P-E-R-S-O-N-A-L. Et il en sera de même pour tous les mots de la même famille. Person, P-E-R-S-O-N. Personally, P-E-R-S-O-N-A-2-L-Y. Personality, etc. Donc, l'équivalent de l'adjectif personnel est personal en anglais, avec AL à la fin. Et il en est de même, par exemple, pour le mot naturel, qui se dira natural en anglais. Natural, N-A-T-U-R-A-L. Alors, est-ce que vous pouvez nous le répéter? Natural. Natural, right. Un mot que vous n'aurez aucun mal à comprendre à l'écrit quand vous le verrez pour la première fois, mais qu'il vaut mieux déjà avoir entendu une fois à l'oral. Natural. Et à partir de natural, on obtient notamment naturally, N-A-T-U-R-A-2-L-Y, qui naturally veut dire naturellement.